la vraie démocratie. Elle est ici. Et le 49.3. On n'en veut pas. 10h, à l'heure de la récréation, les voix s'échauffent devant ce lycée lillois. Des étudiants sont venus mobiliser leurs cadets contre le passage en force du gouvernement. Il faut savoir aussi que les mouvements jeunes sont des mouvements qui effraient le gouvernement, qui effraient le pouvoir. Anna est en terminale. Elle fait partie de la poignée de lycéens mobilisés ici depuis le début du mouvement. Elle voit dans la loi travail plus de précarité pour les jeunes. On y pense parce que c'est demain. Parce que là, nous, on passe notre bec. On passe pas notre bec pour avoir un emploi une semaine sur deux, pour pointer à Pôle emploi, pour avoir que des contrats précaires, des jobs d'intérim. Non, on y pense vraiment. François Hollande avait dit que le 49-3, c'était un déni de démocratie et une brutalité. En 2006, le gouvernement Villepin était alors passé en force avec le CPE, avant d'abroger la loi devant la pression de la rue. Les jeunes mobilisés aujourd'hui espèrent bien répéter l'histoire. Ils battront le pavé cet après-midi, et autant de jours qu'il faudra. Le 49-3, on n'en veut pas, scandent les jeunes en 2016 lors des manifestations contre la loi travail portée par Myriam El Khomri. L'UNEF, entre autres organisations étudiantes, s'oppose à cette réforme, tandis qu'une partie des jeunes français s'organisent, festoient et débat, place de la République à Paris et ailleurs en France pendant le mouvement Nuit Debout. L'engagement enflammé de la jeunesse contre une loi qui provoquerait la précarisation de l'emploi fait alors planer une menace bien connue et redoutée. Car c'est un fait politique plusieurs fois observé par le passé, les mobilisations étudiantes ont eu raison de plusieurs mesures gouvernementales. Le contrat première embauche, le CPE en 2006, mais aussi la loi de Vaquer en 1986 qui prévoyait d'instaurer une sélection à l'entrée des universités et donc en 1994, le contrat d'insertion professionnelle, le SMIC jeune d'Edouard Balladur. Syndicats, étudiants et ministres débordés, casseurs suspectés, CRSSS, conflits de classe et discorde générationnelle. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur ce mois de mars 1994 autour du CIP, le contrat d'insertion professionnelle. 3 semaines de mobilisation étudiante, mais pas que, et qui ont embrasé la rue et fait trembler le gouvernement d'Edouard Balladur. Le CIP ou le pouvoir de la jeunesse. Notre invité aujourd'hui pour parler des mouvements étudiants d'hier et d'aujourd'hui, Lila Lebas, présidente de l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillère, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mars 1993, élection législative. La majorité présidentielle socialiste est écrasée par la droite RPR et UDF en tête, qui rafle 484 sièges sur 577. Ainsi commence la deuxième cohabitation de la Ve République. 2 ans de relations apparemment cordiales entre le président socialiste François Mitterrand et le premier ministre RPR Édouard Balladur. Face à une gauche groggy, le gouvernement Balladur bénéficie d'une importante marge de manœuvre. Mais cette France à deux têtes, qui regarde à la fois à droite et à gauche, affronte une crise économique qui rend la situation très délicate. Affaibli par l'instabilité monétaire européenne, le pays est entré en récession. Le taux de chômage a atteint les 12% contre 9,8% aujourd'hui à titre de comparaison. Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement Balladur s'attaque à ce qui constitue une priorité pour les Français, l'emploi. En septembre, un projet de loi quinquennal relatif au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est présenté à l'Assemblée pour réduire le coût du travail et assouplir ses réglementations. Pendant que l'Assemblée planche sur des mesures à même de relancer l'emploi, dégrèvement des charges patronales, travail le dimanche, annualisation du temps de travail, tout l'ADN de la droite libérale, les jeunes Français sont les premiers à souffrir de la crise économique et sociale qui frappe le pays. Toujours plus nombreux au cours des années 80, les étudiants sont 2 200 000 en 1994. Par ailleurs, les amphis se diversifient avec l'arrivée de plus en plus de jeunes venant de milieux sociaux défavorisés. L'enseignement supérieur n'est plus réservé aux élites. Mais davantage que les universités, ce sont les filières spécialisées de premier cycle, DUT, BTS, qui attirent les jeunes des années 90. Face à un marché du travail vacillant, beaucoup en effet font le choix de formations courtes et professionnelles qui garantissent un accès plus facile à l'emploi. Et pendant qu'ils étudient pour trouver, 80% des étudiants travaillent déjà à temps partiel afin de payer le loyer de la chambre de bonne, les paquets de pâtes et les Lévis 501. Mais alors que nombre d'entre eux expriment leur inquiétude face à des formations qui ne garantissent plus d'avenir professionnel, la vie démocratique étudiante connaît des heures mortes. Au début des années 90, la participation aux élections, conseils d'administration, conseils de la vie universitaire, CROUS, mais surtout, le taux d'étudiants syndiqués sont en chute libre. Le noyau militant perdure, mais l'engagement est en recul 8 ans après les manifestations contre la loi de Vaquet, qui avait réuni, elle, près de 2 millions de jeunes en un mois. Parmi ces étudiants inquiets mais indolents, nous suivrons Stéphane, Sabrina et Manu, 3 exemples pour incarner la jeunesse du début des années 90, cette génération Mitterrand qui écoute Blur ou NTM, qui a connu la chute du mur de Berlin, qui fait ses premiers pas sur Internet et qui craint le sida. Stéphane donc, 22 ans, adhérent à l'UNAFIDE, le syndicat étudiant majoritaire. Il est en licence d'histoire à Nantes. Manu, 19 ans, étudiant DUT gestion des entreprises, est à Villeurbanne. Et Sabrina, 16 ans, lycéenne dans un lycée technique de Clichy-sous-Bois. Ils ne le savent pas encore, mais au printemps 1994, les trois descendront dans la rue pour crier leur révolte. Le CIP, 3 lettres, qui provoque une volée de bois vert des syndicats étudiants et salariés. Le CIP, en vigueur depuis hier, c'est le nouveau contrat d'insertion professionnelle qui permettra l'embauche de jeunes à 80% du SMIC, environ 3790 francs pour un jeune diplômé à Bac plus 2. Si le Premier ministre s'est défendu aujourd'hui d'avoir voulu créer un SMIC jeune, il s'agit, dit-il, d'une forme d'apprentissage à temps partiel, beaucoup y voient une remise en cause du salaire minimum et des diplômes. Le contrat d'insertion professionnelle, le CIP, est l'une des mesures phares de la loi quinquennale pour l'emploi proposée par le gouvernement Balladur en septembre 1993. Adopté par le Parlement à la fin de l'année, c'est un contrat à durée déterminée, compris entre 6 mois et 1 an, renouvelable une fois à destination des moins de 26 ans. Sa rémunération représente un pourcentage du SMIC, le salaire minimum calculé selon le diplôme et l'âge de l'employé. Pour les titulaires d'un simple bac, Édouard Balladur prévoit ainsi une somme comprise entre 30 et 65% du SMIC, tandis que les Bac plus 2, chômeurs depuis au moins 6 mois, bénéficient de 80% du salaire minimum, soit environ 3500 francs. Au lendemain du décret d'application de la loi, le 24 février 1994, pour les étudiants, c'est le choc. La réaction est immédiate, à la mesure de la déception ressentie par les jeunes qui voient leur avenir se précariser davantage. Dans les IUT, ces instituts techniques qui délivrent des DUT, des diplômes, en 2 ans après le bac, c'est la stupéfaction. Alors même qu'ils attirent chaque année un peu plus d'étudiants, les IUT sont les premiers concernés par la mesure du gouvernement. Pour un étudiant comme Manu, en première année de gestion à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, ce diplôme en 2 ans, professionnalisant, est un moyen d'entrer rapidement et efficacement dans la vie active et de quitter le petit appartement familial où il partage des lits superposés avec sa petite sœur. Or, son DUT en 2 ans, avec le contrat d'insertion professionnelle, ne permet plus à Manu d'accéder à un emploi normal, à une vie normale. Non, ce que lui réserve le gouvernement, c'est 80% d'un salaire déjà minime. 80% de reconnaissance de la part des employeurs, 80% d'indépendance financière, 80% de dignité et de maturité. Le SMIC jeune, comme on l'appelle bientôt, provoque alors un vent de fronde à Villeurbanne, comme dans le reste de la France. Dès le 3 mars 1994, des milliers de jeunes défilent en France pour réclamer le retrait du CIP, dont 5000 personnes à Paris boulevard Saint-Germain, à 2 pas de Matignon. La cible des slogans et des pancartes, c'est Balladur, ou Bala, comme les jeunes l'appellent, parce que disent-ils Bala, c'est 80% de Balladur. J'ai pas envie d'être payé à 80%, j'ai fait des études, ça m'intéresse pas du tout, moi. Et de toute façon, ça, il y a des gens qui vont être virés à cause de ça, parce qu'avant, on va vouloir embaucher des jeunes moins chers, et peut-être plus adaptés avec les techniques d'aujourd'hui. Donc c'est un problème qui concerne non pas seulement les Bac plus 2, mais toute la jeunesse. Moi, je pense que déjà, avec 7000 francs, ça fait juste pour vivre. Alors, avec si peu, je vois pas comment on peut vivre. Hein. au prix où sont les loyers déjà en ville. Je suis dans la rue parce que j'ai une fille de 20 ans qui est étudiante et je ne tolérerai pas qu'elle gagne 3000 francs par mois. C'est inacceptable. En plus, c'est toujours la même catégorie sociale qui est touchée, à savoir qui fait un BTS, ce sont les enfants issus d'un milieu moyen ou pauvre, etc. On a toujours le même problème. Les étudiants en IUT sont les plus nombreux dans les cortèges. Mais tandis que la mobilisation s'intensifie, on y croise également des étudiants en fac, comme Stéphane, 22 ans, en licence d'histoire à Nantes et adhérent à l'UNEFID. Lors d'une assemblée générale du syndicat dans un amphi de la fac de Nantes, plein à craquer, Stéphane vote en faveur de la grève, en soutien au bac plus 2 des IUT. Comme d'autres universités françaises, Paris, Tolbiac et Rennes en tête, les étudiants nantais n'iront plus en cours, le temps de faire céder le pouvoir. Officiellement, le gouvernement affiche sa fermeté. Mais Nicolas Sarkozy, le plus jeune ministre d'Edouard Balladur, entame discrètement des négociations avec les organisations étudiantes et lycéennes, une semaine seulement après la publication du décret. Le 3 mars, après une rencontre avec l'UNEFID, le gouvernement finit par céder, mais sans céder, en modifiant certains articles de la loi. Les contrats d'insertion professionnelle assureront désormais 80% du SMIC à tous les jeunes, oui tous, quel que soit leur niveau de qualification, du bac au bac plus 2. Le 10 mars, les bacs pro, BEP et CAP sont écartés du CIP et peuvent à nouveau prétendre à l'intégralité du SMIC. Première victoire de la mobilisation, mais victoire insuffisante, inutile même pour les étudiants qui ne demandent rien d'autre que le retrait pur et simple du CIP, pas son aménagement. De nouvelles manifestations sont donc organisées. Les lycéens, inquiets pour leur avenir, leurs loisirs, leur santé, rejoignent le mouvement, comme Sabrina en terminale STT à Clichy-sous-Bois. Le 10 mars, elle se lève à 5 heures pour participer au blocus de son lycée. Entravée par des chaînes de vélos et des poubelles, les portes restent fermées et Sabrina peut se rendre à Paris où elle défile avec 500 000 autres jeunes, 50 000. Mais la mobilisation étudiante de 1994, c'est l'une de ses particularités d'ailleurs, ne se limite pas à la capitale, loin de là. À Nantes, à Lyon, à Rennes, mais aussi à Vesoul, Montbéliard, Bayonne, Dunkerque, Charleville-Mézières, on défile, on proteste, on invente des slogans, Balladur, SMIC ta mère, par exemple, crient les manifestants. Mais c'est le 17 mars que la contestation change véritablement d'ampleur avec l'arrivée aux côtés des étudiants, des syndicats de salariés et d'enseignants qui s'unissent en un front syndical sans précédent. Le personnel au sol d'Air France, en grève, rejoint les cortèges. 30 000 personnes à Paris et 200 000 en province défilent dans les rues. Selon les sondages, les Français sont majoritairement contre le contrat d'insertion professionnelle. Certains patrons s'opposent même publiquement à cette loi qu'ils jugent injuste, comme Yves Gonnor, dirigeant de Fleury Michon. Sur le plateau de Demain les Jeunes, sur France 2, il explique qu'il n'appliquera pas le CIP. Moi, je dirais simplement que le CIP, c'est une mesure idiote et injuste. Alors, pourquoi injuste ? Ah, d'accord. Bon. Comme quoi, le discours des patrons n'est pas toujours celui qu'on croit. Non, mais c'est sérieux, ce que je veux dire. Alors pourquoi ? C'est parce que, et d'ailleurs ce que je dis, c'est complètement partagé par mes collaborateurs et dans l'entreprise. Alors pourquoi injuste d'abord ? Parce que je crois que c'est du bon sens et c'est l'honnêteté, c'est que qu'on ait fait polytechnique ou qu'on ait son CAP de cuisinier, il y a une règle toute simple, c'est qu'à travailler à travail égal, c'est un salaire égal. Donc déjà c'est là. Ça fait plaisir d'être compris, au moins. Bousculé de toutes parts, le gouvernement tient bon, comme il peut, à vrai dire. À l'Élysée, où Édouard Balladur réunit ses ministres, Charles Pasqua, Michel Giraud, François Fillon et son porte-parole Nicolas Sarkozy, on s'inquiète. Les jeunes finiront-ils par lâcher prise ? Apparemment, non. Les syndicats étudiants, l'UNEFID et l'UNEFSE et le syndicat lycéen La Fidèle, soutenu par les organisations de travailleurs, appellent à la poursuite de la mobilisation et à des actions quotidiennes. Le but de ce front syndical, faire entendre la voix des jeunes et défendre deux symboles auxquels ils croient, le salaire minimum, décent, et la valeur du diplôme. le spectre de 1968, symbole d'affrontement social généralisé, plane, menaçant. J'étais en vogue. Désormais on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville il n'y avait pas de parc maître. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le coste. L'allégorie des Madeleines file à la vitesse de Proust. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'autos. Oh shit, à la télé y'a plus de speaking. Y'a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent, ces films de 3 pieds 7. Que je marque, mais mon intellect constate qu'ils sont top soleil. Obsolète, mais stylée la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double à la variété statique solar, l'arbalète. Qui pique cette zig solité à l'élite. Qui élabore depuis des décennies. Une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masque et la place en hypothèque. Puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventre et que sa campagne de l'oreillette. Comme à mes oreilles, la variette, sa coquine et rime avec top soleil. Obsolète est aussi l'allumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli. Pour des services rendus, elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quand au mois de décembre, elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref, j'en abuse avec délectation. Douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Mais sache que dans les cinémathèques, t'es presque calipette. Des huettes sont classées dans les séries B au rayon obsolète. Première phase de la mobilisation contre le CIP, le rôle des syndicats étudiants et lycéens est central. Mais ces derniers sont bientôt dépassés par l'ampleur du mouvement qui prend des formes nouvelles, autonomes, incontrôlables. Au fur et à mesure que la mobilisation s'intensifie, les formes de représentation classiques que constituent l'UNEFID et la FIDEL, le syndicat lycéen, perdent de leur puissance d'impact, contrebalancée par une autre force imprécise mais puissante. Dès le 11 mars, la manifestation contre le CIP dérape. À Lyon, à Nantes, à Paris, le long des cortèges, des jeunes s'expriment avec une grande violence. Ce sont les casseurs, comme on les appelle. Car ils cassent, effectivement, du mobilier urbain, des bancs et des panneaux publicitaires, parce qu'ils brisent les vitrines des boutiques, parce qu'ils détruisent les pare-brises des voitures. Dans les JT, les témoignages se suivent et se ressemblent. Une fleuriste horrifiée devant ses fleurs, éparse sur le sol, une mère de famille choquée, un enfant en pleurs. Les coupables, des jeunes de banlieue assurent ton comme ici à Nantes, sur France 3. Fin d'après-midi hier, le cortège calme des 11 000 manifestants se déroule dans les rues de la ville. Sit-in, chansonnette, puis les premières notes de musique d'un concert de rock résonnent vers 20h. À cette heure-là, l'ambiance est encore bon enfant. Et puis tout se passe très vite. En quelques secondes, des dizaines de jeunes arrosent de projectiles les CRS en place dans les rues adjacentes. Une nouvelle nuit de violence s'annonce. Le cours des 50 otages est vite transformé en champ de bataille. Les manifestants démontent des palissades de chantier. Une grue est incendiée. La guérilla urbaine s'étend dans tout le centre-ville. Il est plus de minuit. Les manifestants par petits groupes s'attaquent à de nombreuses vitrines de magasins. Trois pharmacies sont pillées, abris de bus, feux tricolores, panneaux d'affichage cassés. Pendant que les CRS évitent les pavés et que les manifestants pleurent les yeux brûlés par les lacrymos, Charles Pasqua peaufine sa stratégie place Beauvau. Le ministre de l'Intérieur tient dans un premier temps à faire la distinction. Il ne faut pas confondre les étudiants et les casseurs, explique-t-il. Bien vite, alors que les énergumènes enragés sont de plus en plus nombreux à chaque manifestation contre le CIP, il prévient « Ce n'est pas en organisant des manifestations que l'on résoudra quoi que ce soit. Au contraire, elles risquent maintenant de dégénérer. » Car le souvenir de Malik Oussekine, ce jeune étudiant tué sous les coups des policiers lors des mouvements de 1986 contre la loi Devaquet, est encore bien présent dans l'esprit des autorités. Tandis que le gouvernement condamne les manifestations, la tension ne cesse de croître partout en France. Le 25 mars, un mois après la publication du décret, la contestation atteint même son paroxysme. Sabrina, lycéenne à Clichy-sous-Bois, s'apprête à défiler avec ses amis à Paris une nouvelle fois. Une heure avant le début de la manifestation, 5000 personnes se détachent spontanément et avancent au hasard des rues. Le cortège officiel, formé du gros des manifestants, des syndicats étudiants, lycéens et travailleurs, part à 15h. Sabrina, 16 ans, avance avec les autres, portée par la foule et les slogans. Non loin d'elle, des jeunes masqués par des foulards s'en prennent aux journalistes chargés de couvrir la manifestation. Un appareil photo est projeté au sol, car pour les manifestants les plus énervés, flics et médias, c'est même combat. Or, depuis 1986, la stratégie de la police a changé. C'en est fini des pelotons de voltigeurs motocyclistes qui frappent à coups de bâton sur les manifestants pour les chasser. Toujours le syndrome Malik Oussekine. Il ne s'agit plus de casser les présumés casseurs, mais de repousser au plus tard l'affrontement. Mais ce 25 mars 1994, les CRS ne tiennent plus. Les coups et les gaz lacrymogènes pleuvent. Manifestants ou casseurs, ils tapent dans le tas. Sabrina, la lycéenne de Clichy-sous-Bois, voit tomber un ami qui provoquait les uniformes. Comme en 1968, il criait avec la foule « CRSSS ». Les patrouilles de policiers civils arrêtent des dizaines de jeunes. En tout, les mouvements contre le CIP auront donné lieu à plus de 1500 interpellations. Parmi elles, deux font les gros titres. L'arrestation et l'expulsion de deux jeunes étudiants algériens à Lyon. Fermeté également à l'égard de deux jeunes Algériens pris au milieu des casseurs lundi dernier à Lyon. Ils ont pris le bateau aujourd'hui pour leur pays d'origine. Patrice Romden, Pierre-Laurent Constant. Marseille-Alger, allée simple. Ce matin, les deux Algériens arrêtés lundi pour vol, dégradation, recel et expulsés en urgence absolue ont quitté la France à bord de ce bateau. Simultanément, certaines associations de défense des droits de l'homme dénoncent la méthode. C'est une procédure que je conteste parce que il est tout à fait inadmissible, étant donné ce qui se passe en ce moment dans cette ville, de faire un exemple avec deux jeunes étrangers qui ne sont pas plus coupables que quiconque. Simplement, leur délit, c'est d'être étranger. Le problème, c'est que le jeune Madassi, tout juste 18 ans, n'a ni titre de séjour, ni passeport. Et que pour pénétrer sur le territoire algérien, il a besoin d'un laissez-passer signé par le consulat d'Algérie à Lyon. Ce laissez-passer, il n'en disposait pas lorsqu'il a pris le bateau ce matin. S'il est refoulé d'Algérie, où ira-t-il ? Dans les jours qui suivent la manifestation mouvementée du 25 mars, la mobilisation s'intensifie et s'étend au-delà des seules limites du contrat d'insertion professionnelle. Occupation de rails SNCF, barrages routiers, concerts, manifestations spontanées, la lutte se dote de formes et de revendications nouvelles. À Villeurbanne, Manu, en première année d'IUT, s'engage désormais en faveur de la régularisation des étudiants étrangers et pour la libération des manifestants arrêtés les jours précédents, dont ses camarades lyonnais, expulsés en Algérie. Pourtant, les syndicats étudiants n'osent pas véritablement condamner les actes de violence qui ponctuent régulièrement les manifestations. Sans éluder l'agressivité réelle de groupes de jeunes de banlieue en marge des cortèges, la provenance des jeunes arrêtés par la police prouve que la radicalisation du mouvement concerne tout le monde, en fait. 30% de lycéens, 30% de chômeurs et de précaires, 30% des étudiants en IUT, 10% d'étudiants de fac, de banlieue pour beaucoup, mais pas seulement. Bien que Stéphane, en licence d'histoire à Nantes, soit de toutes les assemblées générales de l'UNEF et de toutes les manifestations, le nombre d'étudiants des facultés impliqués dans le mouvement reste limité en ce mois de mars 1994. En revanche, les manifestations contre le CIP ont mobilisé une fraction ordinairement peu visible de la jeunesse, les lycéens des établissements techniques, comme la jeune Sabrina, et les étudiants des diplômes courts, STSCA, PBEP, IUT, comme Manu, en première année de gestion à Villeurbanne. Au fil des manifestations, la présence de jeunes de banlieue enfermés collectivement par le discours médiatique et politique dans le sac des casseurs a mis au jour la division de la jeunesse française. comme l'explique alors le sociologue François Dube sur le plateau de Michel Field. Je crois que le débat que nous avons depuis 10 minutes montre de toute évidence qu'il y a une jeunesse qui a cru que les diplômes la protégeraient de l'exclusion et qui est en train de découvrir qu'on l'a trahi. Et une sorte de contrat tacite, dans le fond, dans notre société, vient de se briser, puisqu'on dit les diplômes ne protègent plus. Il y a une autre jeunesse qui est déjà dehors depuis 15 ans, cette jeunesse-là, depuis bien longtemps, qui est exclue et qui est stigmatisée aujourd'hui par les médias, par les hommes politiques, y compris, pardonnez-moi de vous le dire, par une partie d'entre vous, comme les méchants, les casseurs, les salauds. Et je crois qu'il faut bien comprendre qu'il y a un déplacement de la frontière de l'exclusion qui est en train de vous raser un petit peu dans les IUT, car vous vous dites « moi j'ai fait des études courtes pour avoir de l'emploi, je sacrifie une partie des études longues, etc. » Et on ne me le donne plus. Mais je crois qu'il y a des gens qui sont déjà dehors depuis très longtemps, qui sont exclus depuis très longtemps, et que, dans le fond, le grand problème serait peut-être d'apprendre à comprendre qu'il peut y avoir des intérêts communs entre ces jeunesses. J'en suis pas sûr. La mobilisation du vendredi 25 mars 1994 et le regain d'engagement, mais aussi de violence qu'elle a provoqué, sonnent le glas du CIP après un mois de lutte. Lors des manifestations contre la loi de Vaquer en 1986, les syndicats étudiants constituaient un véritable référent pour le gouvernement. Les combats étaient portés par des voix identifiées, des leaders, qui permettaient aux autorités d'envisager ces mouvements en termes de négociations comme avec des syndicats travailleurs. Or, dans le cas du CIP, la mobilisation, en devenant l'expression générale des injustices de la société française, a perdu sa tête pour se doter de voix multiples. Place Beauvau, le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, s'inquiète car tous les observateurs concordent. Les jeunes ne sont plus des interlocuteurs stables, organisés dans des institutions fiables. Nébuleuse complexe prête à exploser, ces jeunes constituent désormais un risque et surtout une menace à désamorcer. Pourtant, et encore un peu, le gouvernement discute, espère. Et si avec les jeunes, cette fois, on prenait le temps de trouver un compromis? C'est ce qu'annonce Nicolas Sarkozy, le porte-parole du gouvernement Balladur, le 28 mars. Le Premier ministre est plus que préoccupé par la situation des 690 000 jeunes au chômage sans diplôme. C'est cette population qui était visée par les CIP. Cette population-là, on ne peut pas lui dire qu'on renonce à imaginer une formule qui lui est destinée. Et dans le même temps, il y a le CIP qui a créé les malentendus et la mobilisation que l'on sait. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une concertation qui s'engage dans un délai d'une semaine pour voir dans quelles conditions on peut remplacer le CIP par une formule nouvelle s'adressant à cette population, mais qui aurait l'accord de tout le monde, des partenaires sociaux bien sûr, mais aussi des organisations de jeunes. Le CIP est donc suspendu une semaine, le temps d'élaborer un nouveau système. C'est la tâche confiée à Michel Bon, patron de la NPE, chargé de négocier un nouveau dispositif avec les syndicats étudiants et les partenaires sociaux. Mais les négociations ne donnent rien. Et le 30 mars, avant même la fin du temps de réflexion prévu par le gouvernement, c'est officiel, le CIP c'est fini. Un mois après le début de la mobilisation étudiante, Édouard Balladur jette donc l'éponge et annonce le retrait du contrat d'insertion professionnelle. Pour Sabrina, la lycéenne de Clichy, Manu, l'étudiant en IUT à Villeurbanne, et Stéphane en licence d'histoire à Nantes, c'est l'explosion de joie et la fin d'un mois animé de blocus, d'assemblées générales et de manifestations sous le soleil. Le gouvernement a été défait par la rue. France Inter. Le journal officiel publie donc ce matin un décret abrogeant le CIP, le contrat d'insertion professionnelle. Seulement voilà, les jeunes qui ont mené la guérilla contre ce texte ont décidé de maintenir leurs manifestations et leurs défilés aujourd'hui, notamment à Paris. Étudiants et lycéens veulent savourer leur victoire. Comme ils disent, une victoire, ça doit être signé dans la rue. Et puis les manifestants veulent encore un petit effort du gouvernement. Ils réclament notamment que les deux jeunes Algériens arrêtés à Lyon et expulsés puissent revenir en France. Départ de la manif à 14h30. Quelle est l'ambiance pour l'instant sur place à la Bastille, Lionel Thompson? personne. Eh bien, à la Bastille, comme habituellement, c'est les voitures qui font toujours la loi ici. La circulation n'a pas été encore neutralisée pour permettre le rassemblement des manifestants. Il y a encore peu de monde, des lycéens, des étudiants qui commencent à affluer. Ils sont radieux, on s'en doute, puisque depuis hier, ils ont gagné sur leurs principales revendications. Ils n'ont pas tous eu le temps d'ailleurs de réécrire leur banderole. Certaines mentionnent encore l'exigence du retrait du CIP. Ils s'apprêtent à un défilé joyeux, et on l'espère sans casse, sous le soleil, car il fait beau en ce moment à Paris. Un an avant l'élection présidentielle de 1995, l'action réformatrice du gouvernement d'Édouard Balladur, futur candidat, est mise à mal. Même si à la fin mars, la majorité de droite remporte les élections cantonales, elle ne peut masquer les divisions criantes. Édouard Balladur, le Premier ministre, chute de 12 points dans l'opinion et passe derrière le président Mitterrand, et pour la première fois. Certes, Balladur reste le mieux placé des présidentiables, mais en quelques semaines, il est passé du statut de meilleur à celui de moins pire. Le retrait du CIP est considéré par une partie de la droite comme un signe de faiblesse. Pour les soutiens d'Édouard Balladur, c'est au contraire la preuve de sa capacité à écouter les Français. Et la faculté d'écoute que le gouvernement souhaite maintenant mettre en avant après avoir fait la sourde oreille pendant un mois. Le Premier ministre annonce la tenue d'états généraux de la jeunesse, associant les pouvoirs publics, les collectivités locales, les mouvements associatifs et les jeunes eux-mêmes. Le Premier ministre souhaite l'assumer publiquement. En légiférant sans consulter les premiers concernés, la jeunesse, il commet une erreur. C'est ce dont débattent Gilles Souchon, étudiant en BTS, et Grégoire Carnero, député RPR, sur le plateau de France 3 Pyrénées. Vous avez le sentiment que les hommes politiques vous comprennent ou vous écoutent aujourd'hui dans la jeunesse ? J'espère qu'aujourd'hui on sera écoutés. Aujourd'hui, après les manifestations, Après le souci qu'on a eu, j'espère qu'on sera écoutés maintenant. Parce que avant le CIP, pendant le CIP, on n'a pas eu l'impression d'être écoutés. Et on a manifesté pour se faire entendre. Je pense que si au niveau du CIP, on avait été concertés, je ne sais pas si les choses se seraient passées comme ça. Alors ? Vous avez tout à fait raison, et le Premier ministre est conscient, effectivement, des limites de la méthode utilisée. D'une manière générale, le Premier ministre s'entoure de beaucoup de précautions avant de prendre une mesure, et il y a une phase de réflexion et de concertation. C'est une erreur. Il faut savoir reconnaître ces erreurs. Il n'y a que les gens très intelligents qui n'en font jamais, ou les imbéciles, bien entendu. C'est une erreur de démarche, il faut en tirer les leçons. Rapidement, les états généraux annoncés par Édouard Balladur le 30 mars sont abandonnés et remplacés, trois semaines plus tard, par un comité chargé d'une consultation nationale des jeunes. Pour enterrer un problème, créer un comité, disait Georges Clemenceau. Eh bien voilà. Parmi les 10 membres de ce comité, Claude Bébéard, président d'AXA, Mireille Dumas, journaliste et productrice, ou Christian Spitz, dit le doc, pédiatre et animateur sur Fun Radio. Leur mission, organiser les consultations sous forme d'un questionnaire adressé aux 15-25 ans, analyser les réponses et proposer au gouvernement des mesures inspirées par les réactions, les attentes et les envies des 9 millions de jeunes Français. Un tabac, la consultation nationale des jeunes, lancée par Édouard Balladur voilà un mois et demi, fait un tabac. 1 400 000 réponses ont déjà été reçues. 15% des 15-25 ans ont déjà pris la peine de répondre consciencieusement aux quelques 100 questions contenues dans ce formulaire. Deux témoignages de jeunes que Laurent Delhomme a rencontrés, ils sont d'un avis opposé, vous allez voir, sur l'utilité de cette consultation. D'abord, cette lycéenne, elle est plutôt pour. Bah, j'ai trouvé que l'idée de départ était bonne, le contenu n'est pas forcément très clair. J'ai été étonnée de trouver certaines questions. Quand ils demandent est-ce qu'on souhaiterait plus d'amour, plus d'autorité dans notre famille, je ne m'attendais pas à trouver ça. Mais la forme des questions avec pas tout à fait d'accord, tout à fait d'accord, c'est assez fermé, quoi. Ça ne peut pas donner clairement ce qu'on pense sur les questions qu'ils nous posent. À l'inverse, jeune de Saint-Denis, justement, lui, il est résolument contre. Le questionnaire, c'est l'air de dire « voilà, on s'occupe de vous ». C'est tout, c'est juste pour calmer les gens, en attendant voir ce qu'ils peuvent faire, mais ils vont rien faire du tout. C'est juste pour faire, pour calmer les jeunes, c'est tout. Et est-ce que toi tu l'as reçu chez toi ? Ouais, je l'ai reçu, mais je l'ai jeté. Un succès, selon le gouvernement, malgré les critiques nombreuses qui perdurent. Pour certains, ce questionnaire ne servirait qu'à écarter la menace d'un conflit social généralisé façon mai 68. Le problème, ce serait la jeunesse, au singulier donc, et les divergences générationnelles, pas les inégalités et l'exclusion d'une partie des Français à l'échelle de la société tout entière. Stéphane, l'étudiant en licence d'histoire à Nantes, regrette lui l'absence de jeunes dans un comité où la moyenne d'âge, il est vrai, est de 45 ans. l'UNAFIDE, le syndicat étudiant auquel il adhère, le déplore. Pour cette consultation, le gouvernement n'a fait appel ni aux syndicats étudiants, ni aux associations de jeunesse. D'ailleurs, si Stéphane a répondu au questionnaire, comme ses amis politisés, ce n'est pas le cas de 85% des 18-25 ans qui, eux, ont préféré s'abstenir. Le rapport du Comité pour la jeunesse, remis à Édouard Balladur le 21 décembre 1994, contient un ensemble de 100 mesures très éclectiques, parmi lesquelles des quotas de jeunes dans les entreprises, une carte de transport mi-tarif, la suppression de l'essentiel des contrats à durée déterminée, l'abaissement de l'âge de scolarisation obligatoire à 14 ans, ou encore l'obligation du vouvoiement de la part des policiers pendant les contrôles. Des mesures qui, pour la plupart, resteront lettre morte. À la présidentielle de 95, Édouard Balladur, pourtant favori et même grand favori un an auparavant, arrive troisième derrière Lionel Jospin et Jacques Chirac. Donc éliminé, car la droite s'est déchirée en deux candidats qui se sont menés une guerre fratricide lors de la campagne. Une guerre qui mènera à la victoire de Jacques Chirac au second tour grâce à un thème de campagne opportun ou opportuniste, la fracture sociale. Un élément de langage nouveau, un quasi-concept marketing et une promesse de campagne qui convainquent le pays. La mobilisation contre le contrat d'insertion professionnelle un an auparavant l'avait pourtant montré, sans qu'Édouard Balladur ne semble vraiment le comprendre. Une partie des Français, notamment chez les jeunes de banlieue, se sent exclus. Et Jacques Chirac, perspicace cela dit, déclarait pendant la campagne présidentielle « Dans les banlieues déshéritées règne une terreur molle. Quand trop de jeunes ne voient poindre que le chômage ou des petits stages au terme d'études incertaines, ils finissent par se révolter. » Pour l'heure, l'État s'efforce de maintenir l'ordre, mais jusqu'à quand ? J'en avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens, allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit, il est con, n'a pas de fric. Ah, c'est dick, je t'écrirai de temps en temps. Toi, tu m'enverras mon virement. Directement, tout là-bas. Avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. Ce sera dément. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Ah non, en m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non. Je veux que ça dure toute la vie, que chaque jour soit férié. Un jour je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER et du Leclerc de Bougival. Ah, c'est dick, je t'écrirai de temps en temps. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire du CIP avec notre invité Lila Lebas. Bonjour. Bonjour. Je vous ai appelé Liliane tout à l'heure. Je m'en excuse, c'est la dernière fois, je ne le ferai plus. Donc Lila Lebas, présidente de l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France, le syndicat le plus important chez les étudiants, que nous avons évoqué plusieurs fois dans le récit. Expliquez votre rôle de présidente de l'UNEF rapidement. En tant que présidente de l'UNEF, j'agis sur toutes les politiques publiques qui touche les étudiants et plus largement les jeunes. Là, vous l'avez dit dans toute cette histoire autour du CIP, mais donc tout ce qui concerne l'insertion professionnelle des jeunes notamment, mais aussi évidemment les questions universitaires, les questions sociales qui nous préoccupent particulièrement en ce moment. Dites-moi, certaines personnes qui ont tenu dans leur jeunesse des fonctions similaires à la vôtre, des responsabilités au sein de l'UNEF, Manuel Valls, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Marie-Georges Buffet, on sait ce qu'ils sont devenus. Être dans un syndicat étudiant, ça mène parfois à une carrière politique. Vous avez ça derrière la tête ? Dans la tête ? Moi, non, pas spécifiquement pas maintenant, pas, je dis pas du tout, pas spécifiquement en tout cas, mais ça ne m'étonne pas que quand des jeunes s'engagent syndicalement ou dans deux organisations, veulent continuer à s'engager derrière et notamment dans des outils politiques, puisque c'est quand même aujourd'hui un des outils pour changer la société, pour mettre en application des revendications qu'on peut porter dans un syndicat étudiant. Où en est le lien organique traditionnel entre l'UNEF et le Parti Socialiste ? Déjà, faudrait se poser la question de savoir où est le Parti Socialiste, pour qu'il y ait encore un lien, mais bon... Il n'y a plus de lien du tout. Aujourd'hui, l'UNEF a réaffirmé à plusieurs reprises son indépendance vis-à-vis de l'ensemble des partis politiques, des syndicats professionnels et de toute autre structure qui pour nous est importante puisqu'on réaffirme que les jeunes sont en capacité de décider par eux-mêmes leurs revendications, leurs méthodes d'action et leurs feuilles de route syndicales, même si parfois certains ont du mal à le concevoir. Et dans la vie syndicale et étudiante, il n'y a pas que l'UNEF, hein, il y en a d'autres. Quels sont vos rapports avec les autres syndicats? Est-ce qu'il y a vraiment une union syndicale chez les étudiants? Ça dépend des moments. L'union syndicale est compliquée à avoir en ce moment, mais depuis longtemps, notamment dans le milieu étudiant, puisque il y a des périodes électorales qui s'enchaînent d'année en année, donc on est dans une concurrence permanente avec les autres organisations qui se présentent aussi aux élections, notamment dans les universités. Donc l'union est compliquée. Par contre, évidemment, qu'on se parle, qu'on partage des choses, qu'on partage des revendications et que c'est plus efficace quand on essaie de les mener ensemble que de s'opposer sur des sujets sur lesquels on est d'accord. Donc c'est un travail quotidien. C'est dans l'air du temps, ça, dites-moi. Tout à fait. Bon. Que vous inspire cette affaire du CIP? Déjà, globalement, en termes d'offres d'un gouvernement à une partie de sa population, c'est-à-dire la jeunesse étudiante, et en termes de mobilisation des étudiants. Il y a vraiment deux aspects dans cette affaire-là. Est-ce que c'est une matrice pour vous du combat étudiant ? Oui, il y a plusieurs matrices, je pense, notamment le CIP, qui sont un peu symptomatiques à la fois des politiques en direction des jeunes qui ont été menées ces dernières années, et aussi la manière de se mobiliser quand on est jeune, étudiant, quelle que soit sa filière, à l'université, en IUT, en BTS ou au lycée, par exemple. Notamment, le CIP, je disais, c'est un peu symptomatique. C'est la vision d'une génération, d'une jeunesse qu'il faudrait, entre guillemets, précariser pour pouvoir leur permettre, après, d'avoir accès à un emploi plus stable. Et donc, il y aurait un sas de précarité obligatoire qu'il faudrait accentuer. C'est ce qui était proposé en proposant un SMIC à 80% pour des jeunes diplômés. C'est ce qu'on a vu après avec le contrat première embauche en 2006, où il faudrait un contrat spécifique pour les jeunes, puisqu'ils ne seraient pas assez expérimentés, qu'ils seraient jeunes, et puis en fait que la précarité serait encore une fois une étape obligatoire. Et puis on l'a vu encore plus tard avec la loi travail, où encore une fois, les jeunes étaient particulièrement touchés et particulièrement ciblés dans cette loi, en leur disant il faut quand même faire un effort et c'est à vous de le faire pour pouvoir réduire le chômage, trouver un emploi. Et donc vaut mieux un emploi précaire qu'être au chômage. Pourtant, c'est pas ce que veulent les jeunes quand ils font des études. Ils veulent que leur qualification, que leur diplôme soit reconnu et avoir une rémunération à la hauteur. Et donc, je trouve que le CIP, les contrats qui ont suivi, les lois qui ont suivi derrière, est quand même assez symptomatique d'une vision d'un gouvernement vis-à-vis de sa jeunesse, notamment sur les politiques économiques et d'emploi, où on cherche toujours à la mettre dans une case à part du reste de la société. Et pareil sur les mobilisations. On le voit, ça fait longtemps qu'on en parle, et moi ça m'a fait un peu écho dans ce que vous dites tout à l'heure, où en fait il y a différentes formes de mobilisation qui se mettent en place quand une jeunesse s'oppose à un projet de loi. C'est des assemblées générales dans les facs, c'est aussi des concerts, c'est aussi des méthodes d'action plus ou moins différentes. Et ça, je pense que c'est assez intéressant à analyser dans l'évolution des mobilisations étudiantes, du rôle des syndicats, notamment de comment ils sont dépassés parfois. Et je pense que c'est positif quand en fait les organisations syndicales sont dépassées et que le mouvement prend au-delà de leur propre rang. Et donc, c'est beaucoup d'analyses de la mobilisation étudiante que je pense sont vraiment intéressantes. Et quand ça mobilise au-delà des syndicats et de leurs consignes, ça fait peur à ceux qui nous gouvernent, tous ceux qui nous gouvernent, quelle que soit la couleur politique de ceux qui nous gouvernent. Vous pensez que la mobilisation étudiante, c'est toujours pris au sérieux justement par les politiques ? Rarement au début. Rarement au début, mais on dit que les politiques ont peur des mouvements de jeunes, surtout quand ils dépassent, encore une fois, les syndicats. Vous avez ce sentiment-là aussi, vous ? Oui, on le dit souvent, et effectivement, quand les jeunes se mobilisent massivement, c'est une pression pour un gouvernement, puisque ils ont du mal justement à arrêter ce mouvement-là et à voir comment ils pourront satisfaire une jeunesse qui a un ras-le-bol sur beaucoup de sujets dans la période actuelle, par exemple aujourd'hui, mais même en 94 ou après en 2006, où il y a des tas de sujets où il y a quand même des mécontentements dans la jeunesse, et donc effectivement qu'elle fait particulièrement peur, notamment par sa force de mobilisation et sa capacité de mobilisation. Quand il y a des universités bloquées, quand c'est des milliers de jeunes dans la rue, évidemment que c'est un rapport de force qui se construit vis-à-vis d'un gouvernement, et à beaucoup de reprises, à beaucoup de fois, il a dû plier face à la jeunesse dans la rue, et ce qui est particulièrement encore fort dans ce pays, en France, et c'est pour ça que, encore une fois, les jeunes ont un rôle central dans les contestations des mouvements sociaux qui ont lieu ces dernières années. Je sens bien que vous sentez bien que vous êtes une force. Vous avez bien conscience, hein ? Oui, on est une force, je pense, en tant qu'organisation syndicale étudiante, en tant que jeune, puisqu'on a d'une envie de s'exprimer, et on ne se sent pas forcément écouté dans les cadres traditionnels de discussion qu'on peut avoir avec les institutions, les pouvoirs publics, les gouvernements, et que donc la rue, les manifestations, les assemblées générales, on se crée des cadres pour pouvoir se faire entendre et augmenter un rapport de force avec notamment les gouvernements successifs, quels qu'ils soient, encore une fois, pour pouvoir justement les imposer, de prendre en compte et d'écouter la parole des jeunes qui est souvent dénigrée. On dit « Ah non, mais de toute façon, c'est normal, encore une fois, de galérer, avoir un diplôme. Si on n'a pas telle ou telle note, il ne faudrait pas pouvoir aller dans telle filière. » On a quand même une société qui a des tendances très paternalistes vis-à-vis de sa jeunesse. Et donc, on a besoin de trouver des cadres d'expression différents qu'on se crée et de s'imposer de différentes manières, encore une fois, pas seulement dans la rue, mais en tout cas de se créer des cadres pour s'imposer, imposer nos revendications et notre vision de la société, puisqu'on pense qu'on a tout notre mot à dire, même si on ne laisse pas souvent la parole. Et qu'est-ce qui vous inspire le fait qu'au-delà de la revendication qui était concrète, hein, celle de pouvoir arriver sur le marché du travail dans les meilleures conditions, qu'à 80% d'un SMIC est déjà pas un gros salaire, on a vu que les revendications pouvaient être parfois plus philosophiques. On disait ce qu'on vient de dire avant, c'est concret, c'est légitime, mais plus philosophique, notamment sur l'immigration, sur la possibilité de venir sur notre territoire. Et on l'a vu aussi avec les deux Algériens qui ont été renvoyés en Algérie. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet élargissement des motivations et des revendications ? C'est assez fréquent dans les mobilisations étudiantes notamment, mais pas que, qu'on parte d'un sujet, d'une loi où il y a un désaccord avec un gouvernement, comme sur le CIP par exemple, pour pouvoir ensuite s'exprimer plus largement sur un projet de société que l'on veut porter et qui n'est pas forcément appliqué par justement les hommes et femmes politiques au pouvoir. Et là, c'est par exemple sur la question de l'immigration, c'est un sujet qui revient souvent sur comment, par exemple, on peut permettre, et c'est des revendications qui sont pour moi fondamentales, à chacun de venir sur le territoire, de pouvoir y étudier, de pouvoir y travailler. Cette notion de solidarité aussi internationale qui est encore aujourd'hui très forte dans ces mobilisations. On l'a vu par exemple, il y a maintenant, il me semble, trois ans, sur la question de toutes les manifestations lycéennes, notamment autour de la question de Leonarda et Kachi qui étaient menacées d'expulsion, qui sont des véritables sujets qui mobilisent une génération, qui mobilisent des jeunes, et je trouve ça sain et positif que des mouvements s'élargissent pour pouvoir faire des messages, pour pouvoir faire passer des messages plus larges. Encore une fois, un projet de société qui est porté par une génération et qui a du mal à être entendu et qui est souvent, encore une fois, minoré quand ils essaient de l'exprimer en disant c'est idéaliste, ils ne sont pas possibles, ce serait juste un rêve de gosse, alors qu'en fait non, c'est des jeunes qui ont encore une fois des revendications et qui veulent imaginer la société autrement. Et je pense que c'est très positif. Rendre l'utopie réaliste, en quelque sorte. Hein. On va aller maintenant dans l'actualité. Un projet de loi sur les modalités d'entrée à l'université baptisé Orientation et réussite des étudiants a été présenté lors du dernier Conseil des ministres, mercredi dernier. Alors face aux controverses, bien voilà ce que déclarait Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. L'idée, c'est qu'on réaffirme effectivement que le baccalauréat est le passeport d'entrée dans l'enseignement supérieur, oui. Et que chaque bachelier est libre de choisir son université, donc, sa filière, son inscription. Ce qui change, c'est que on lui demande de faire confiance à l'établissement pour lui proposer des parcours qui vont l'amener à la réussite. Il faut bien comprendre que cette année, on a vécu le tirage au sort, mais que depuis des années, on s'est habitué à l'échec en premier cycle de licence. Seulement 30% des étudiants réussissent leur première année. Et donc l'objectif du gouvernement, c'est d'une part de mieux orienter les futurs étudiants et d'autre part de les aider à réussir. Nous avons besoin de jeunes formés, diplômés, et donc c'est vraiment tout l'objet de cette loi, certainement pas de les empêcher d'accéder à l'enseignement supérieur. Bon, question toute simple, responsable syndical Lila Lebas de l'UNEF, réaction à ce que vous venez d'entendre. Mais je pense qu'il y a une phrase assez symptomatique dans ce que dit Madame Frédérique Vidal. Mmh. On demande aux jeunes de faire confiance à leurs enseignants pour choisir leur orientation. Mmh. C'est en deux mots ce qu'elle dit, et je trouve que ça correspond à ce que je disais juste avant. On a une société très paternaliste où il faudrait imposer à des jeunes 17, 18, 20 ans leur orientation, leur dire à eux et leur imposer quelle filière, quelle étude, quel nombre d'études est bon pour eux. Alors que nous, évidemment, on refuse cette vision-là de la société, on refuse de pouvoir sélectionner les jeunes à l'entrée l'université, ce qui est proposé par ce projet de loi, puisque... Et le mot sélection n'est pas prononcé dans la réforme. Le mot sélection n'est pas prononcé, ça ne veut pas dire, mais pas écrit. En revanche, dans le projet de loi, c'est écrit noir sur blanc que les universités pourront refuser des bacheliers faute de place. Et comme on le sait, on a de plus en plus de bacheliers qui arrivent dans l'enseignement supérieur, c'est pas nouveau, c'est dû à un boom démographique des années 2000, et quand on n'ouvre pas des places supplémentaires, il y aura du coup de plus en plus de jeunes qui risquent de pouvoir être refusés, tout simplement par manque de place. Et comme en amont, il y aura une sélection sur dossier, ce sera toujours les mêmes qui seront écartés de l'enseignement supérieur, les plus précaires, ceux qui viennent de filières par exemple professionnelles et technologiques, à qui on fermera les portes de l'enseignement supérieur et notamment de l'université, ce qui nous préoccupe particulièrement, et c'est pour ça qu'on est opposé à ce projet de loi et qu'on appelle justement les jeunes à se faire entendre et à se mobiliser selon différentes formes pour pouvoir faire reculer le gouvernement, notamment ce sujet-là. Quand ? On a appelé déjà à plusieurs dates, il y a plusieurs assemblées générales qui ont lieu dans les universités actuellement, des réunions publiques pour pouvoir justement à la fois proposer des alternatives à cette forme de sélection, puisque nous on est convaincus qu'on peut avoir une université ouverte à tous, qui permet de faire réussir les étudiants, puisqu'effectivement 60% d'échecs à l'université c'est inacceptable aujourd'hui, et donc on fait des contre-propositions, et c'est évidemment, encore une fois, pouvoir faire reculer le gouvernement, notamment sur ce sujet de pouvoir refuser des bacheliers à l'entrée de l'enseignement supérieur et réaffirmer que on ne peut pas, que la solution ne peut pas être d'imposer à des jeunes soit une remise à niveau, soit sa filière, soit encore une fois le nombre d'années d'études dans lesquelles il pourra aller, puisque ça crée aussi l'échec à l'inverse. Ce sera ma dernière question, mais elle est importante. On l'a vu déjà avec la loi de Vaquet, la mobilisation contre la sélection. Est-ce que vous êtes contre toute forme de sélection, ou est-ce que c'est la façon dont la sélection est menée qui vous gêne? Parce qu'après tout, ça paraît pas si absurde que ça qu'il y ait une sélection en fonction des filières et que chacun puisse aller dans la bonne. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Bah nous, on est opposés à toute forme de sélection à l'entrée de l'université, puisque tout simplement, l'entrée à l'université, c'est le moment où des jeunes peuvent continuer à construire leur projet d'orientation, leur parcours, leur projet d'études, leur projet professionnel, puisque notamment, on le sait bien, il y a beaucoup de jeunes qui se découvrent à l'université, qui changent d'orientation, et nous, c'est pour ça notamment qu'on demande la mise en place de filières beaucoup plus pluridisciplinaires qui permettent une spécialisation progressive et permettre justement à chacun d'avoir un diplôme qui est aujourd'hui la meilleure qualification, la meilleure protection pour aller sur le marché de l'emploi et pour pas se retrouver dans des situations compliquées, avoir au chômage notamment. Donc pour vous, dans l'université, il y a universel. Tout à fait. D'accord. L'accès de tous. Bah, c'est la racine du mot, de toute façon. Merci infiniment, Lila Lebas. Merci. Présidente de l'UNEF. Merci, au revoir.